Bonjour David. Bonjour David Akakingi Banana, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ouais, alors, salut. Je suis David Vitry Ferreira, aka Kinky Banana. J'ai 36 ans, je vis à Berlin et je suis artiste autour des questions de la sexualité et de la pratique spirituelle autour de la sexualité. Alors, David, est-ce que tu pourrais nous faire une audio-description de ton exposition? Alors, dans un premier temps, on a une série de 9 portraits où on voit des personnes LGBT allongées dans un lit. Et chacune d'entre elles a une face de la lune qui représente un moment de leur intimité. Et chaque photo a une confession qui a été écrite par les modèles sur la photo et qui est une petite confession qu'ils font à la lune à propos d'un fantasme sexuel ou d'une expérience qu'ils ont vécue. La lune, c'est le moment de la nuit, c'est le moment où on se retrouve en intimité pour parler des choses qu'on a du mal à évoquer lors de la journée. Une question un peu à la con, mais il y a une référence à Indochine. J'ai demandé à la lune. Alors évidemment, c'était une des chansons de mon adolescence, donc je pense que quelque part c'est ancré dans mon esprit, mais la lune, c'est aussi, il y a quelque chose de très mystique pour moi dans la lune et dans la réceptivité de cette lumière. Et comme mon travail est toujours un petit peu teinté d'ésotérisme, j'avais envie de faire un hommage à la lune. Il y a Hello David, c'est cool de te voir. Mais ça, on en reparlera. En fait, il y a certaines couleurs qu'on voit dans ton expo. Est-ce que c'est tes couleurs référentielles ou alors c'est vraiment selon le projet que tu avais mis en place? Alors, il y a la nuit, évidemment, mais il fallait retranscrire la nuit. Parce que là, on est à la radio, on ne voit pas. Mais donc, et puis moi, je suis de dos, donc il faut que je me retourne aussi. Mais... Oui, c'est la nuit, mais la nuit, elle a une certaine couleur, voilà. Elle a une certaine teinte un peu violacée, et je l'ai mise en lumière avec des light UV pour pouvoir faire vibrer encore plus. Et dans les codes de la couleur, le violet est toujours un peu associé au spirituel et au... et à l'ésotérisme, et du coup c'est vrai que je voulais lier un moment de la nuit un petit peu particulier où on se canalise et on est centré sur sa spiritualité. Ah oui. Mm-hmm. Ça c'est très important dans ton travail, la spiritualité, j'ai l'impression. On l'avait vu déjà dans le portail des plaisirs, il me semble, ouais. Que la vidéo qu'on a montrée de toi l'année dernière à Homographie, hein. Donc oui, c'est... Ça a toujours été une partie de ma personnalité d'être très attiré par l'ésotérisme, le mysticisme. Et pendant le Covid, en fait, il y a eu ce moment où on a tous été un peu confrontés à être seul face à soi-même. Et j'ai vraiment eu le temps, en fait, de développer cette partie de moi. Et de voir comment en fait je pouvais balancer le côté très sexuel que j'ai dans ma vie et dans mon travail avec ce côté spirituel. Donc c'est vrai que maintenant tout est très teinté de spiritualité dans ce que je fais. Et du coup tu parlais de ton travail, c'est-à-dire est-ce que tu peux un peu parler de ce que tu as déjà fait avant? Alors J'ai une sorte de carrière un petit peu multifacette. J'ai commencé à travailler avec des groupes de musique au départ, en faisant du stylisme et en faisant de la création artistique. Et puis quand j'ai déménagé à Berlin, il y a 7 ans, Je me suis fait offrir le poste de fashion editor dans un magazine pornographique. Et très vite, je leur ai proposé de faire les shootings des covers. Et c'est vrai que pour moi, c'était intéressant de déconstruire la sexualité et ce qui était sexy au sein d'un magazine qui était aussi puissant que celui pour lequel je travaillais. Et du coup, j'avais vraiment envie de casser les codes de qu'est-ce qui est sexy, en fait. Et j'ai eu l'occasion de faire shooter le premier homme trans en cover, un homme de plus de 62 ans, des éditos avec que des personnes de couleur et pas forcément dans un esprit, de, par exemple, le cliché de l'homme noir dominant fort, mais de montrer un homme noir doux, fluide et de détacher vraiment tous les clichés qu'on a de la sexualité. Et du coup, après le Covid, j'ai commencé à travailler sur mes projets personnels, dont le Portail des plaisirs, qui était mon premier court-métrage. Et qu'on a adoré Homographia. C'est pour ça qu'on l'a réinvité. Pour autre chose, et tout aussi surprenante, rêveuse, ça fait rêver le Portail des plaisirs. Et donc, y a vraiment ça, le rêve. Alors, pour continuer un peu dans l'audio-description, du coup, il y a un lit qui introduit l'exposition sur laquelle, d'ailleurs, vous êtes assis, Chris et toi. Ouais, j'avais vraiment envie que le spectateur puisse s'inviter dans le lit et se retrouver, en fait, à trouver une sorte d'intimité avec les modèles et avec les photos. On a aussi développé un filtre Instagram qu'on peut utiliser pour être dans le lit aussi et pouvoir faire sa petite confession à la lune et partager un moment d'intimité ou un fantasme avec le reste du monde. Merci. Non, c'était Princessine et Poussin en direct de la photothèque avec Kinky Banana. Yeah! Maintenant on peut boire un coup. Oui!